Merci d'avoir choisi la radio Isanganiro et bienvenue à ce journal en langue française dont voici d'abord les principaux titres. Certains directeurs des organes de presse demandent au Conseil national de la communication de garantir la liberté de la presse conformément à ses missions. Un appel lancé à la suite du traitement brutal infligé au correspondant du journal Iwachu à Gitega par le commissaire provincial de la police dans cette province. C'était ce mercredi. Dans la rubrique économie, le dollar américain s'échange actuellement contre plus de 6 000 francs burundais sur le marché noir. Des commerçants se disent dépassés de cette situation et demandent au gouvernement de réagir au plus vite. Le Burundi est le premier pays d'Afrique francophone qui fait une bonne gestion des fonds donnés par les Américains pour la lutte contre le sida. Déclaration du chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis à Bujumbura ce jeudi. Les détails, c'est dans quelques poussières de secondes. Au micro, vous êtes avec Ornella Mucho. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore une fois. Le journal Iwachu dénonce avec fermeté le traitement injuste et brutal réservé aux journalistes par les forces de l'ordre, en particulier l'incident survenu mercredi soir en son correspondant Gitega Jean-Noël Manirakiza qui a été malmené par le commissaire provincial de la police à Gitega. Même si le matériel qu'il avait confisqué a été finalement restitué, le directeur de ce médium trouve qu'il n'y a aucune justification de l'utilisation de la violence et de l'intimidation à l'encontre des professionnels des médias. Léandre Sikuyavuga rappelle aux autorités que l'exercice du métier de journaliste est un droit constitutionnellement garanti et appelle le Conseil national de la communication à s'impliquer activement dans ce cas. On l'écoute. C'est déplorable que des journalistes soient malmenés par certains administratifs, par certains éléments de force et de l'ordre. Le journaliste Jean-Noël Manirakiza a été malmené, malheureusement, par quelqu'un, une autorité au niveau de force de l'ordre à Gitega. C'est déplorable, c'est dommage, parce que un journaliste n'a que son stylo, n'a que son carnet. Être malmené par quelqu'un qui, déjà en uniforme, la seule uniforme suffit pour que quand même on ait peur envers cette autorité. Vous le savez que le métier du journalisme, normalement, est un droit constitutionnellement garanti. La liberté de la presse est un pilier fondamental de toute la démocratie. Et il est impératif que les journalistes puissent accomplir leur mission sans crainte de répression ou de violence. Donc, ces administratifs, ces forces de l'ordre doivent comprendre que les journalistes sont là comme des gens qui ont un métier reconnu par la Constitution. Ils savent que ces journalistes, ils ont les gens qui les dirigent. Nous avons une adresse physique. On peut nous contacter à n'importe quel moment. Il y a aussi un organe de régulation. S'il y a un grief quelque part, il faut que ces autorités appellent la direction de ce journaliste. On doit faire surtout attention ces jours où on s'achemine vers les élections. Je leur demande de nous faciliter la tâche parce que c'est notre droit d'exercer le métier du journalisme au pays. Et le directeur de la radio-télévision Isanganiro appelle toutes les institutions de l'État à suivre les instructions du numéro 1 burundais de laisser les journalistes travailler tranquillement. Charles Makoto s'exprime au moment où certains journalistes se voient interdits d'exercer librement leur métier pendant que d'autres sont maltraités par l'administration et demande au Conseil national de la communication de les défendre fermement. Suivez-le au micro d'Olidi Gahimbari. Nous constatons ces derniers temps une forme de recul dans la liberté de presse. Pourquoi ? Parce que nous avons très récemment entendu notre confrère de Gitega, qui travaille pour le journal Iwachu, qui a été malmené, maltraité par le commissaire provincial de Gitega, le commissaire de la police. Il y a 3 journalistes qui sont emprisonnés aux prisons centrales de Bimba. Il y a des interpellations pour clarifier des situations au sein de la police chargée de renseignement. Il y a un collègue du journal Akeza.net qui a été emprisonné 2 semaines durant arrêté au marché de Bouyenzi dans l'exercice de son métier. Il était en train de prendre des images. Donc tout cela contribue à alimenter un climat de peur chez les professionnels des médias. Et cela inquiète d'autant plus que nous cheminons vers une période électorale de 2025. Donc on se demande qui va venir au secours des professionnels des médias. Cela s'ajoute même

Page économie à présent, certains commerçants opérant à Bujumbura, la capitale économique, déplorent la rareté des devises se basant sur le change du dollar américain qui est actuellement acheté à plus de 6 000 francs burundais sur le marché noir. Ces commerçants disent que leurs activités sont au point mort, ajoutant que cette flambée du prix du dollar américain a comme conséquence l'inflation sur les marchés. Ceux qui se sont confiés à nos reporters demandent au gouvernement de trouver une solution à ce problème. Évariste Ndikobanyanga. Quand on circule à pied au centre-ville de la capitale économique de Bujumbura, l'on s'aperçoit à des bureaux de change fermés. Les personnes rencontrées sur le lieu disent que ces bureaux ont été fermés sur ordre de la police qui a même arrêté les propriétaires. Et leurs grosses sommes d'argent, francs burundais et en dollars saisis. L'on s'aperçoit également aux commerçants qui sont à la recherche du dollar, mais sans succès, comme ce jeune commerçant croisé ce vendredi matin en cours de route. Sans savoir à quel sens sauvez-vous. Dans ces jours, vraiment, c'est trop difficile parce que la semaine passée, le dollar était sur 5 800 francs. Mais aujourd'hui, j'étais en train de chercher le dollar ici et on m'a dit que c'est déjà haussé à 6 100 francs. Ceux qui vendent des marchandises aujourd'hui et aussi sont inquiets si la situation reste telle qu'il est. Ils précisent qu'une fois leur stock épuisé, ils vont fermer leur magasin et ne pourront pas faire des importations faute du dollar. Il est difficile vraiment de trouver le dollar et au marché noir, il coûte énormément cher. Mais à la banque, le taux de change est abordable, mais il n'est pas accessible. Pour en avoir à la BRB, il faut beaucoup d'explications, mais comme ça prend du temps, l'on est obligé de se rabattre au marché noir. Ces commerçants en détresse aujourd'hui trouvent que la population en souffre cruellement, ainsi que le gouvernement qui fait face à une diminution des impôts et taxes. Ils demandent au gouvernement de tout faire pour trouver solution à ce tarissement de devises pour redynamiser la santé financière du pays. Merci Évariste. Le Conseil des ministres a analysé et adopté le projet d'urgence de résilience urbaine. L'objectif de ce projet est de répondre aux problèmes liés aux catastrophes naturelles. Dans un extrait du compte rendu de ce conseil, le secrétaire général du gouvernement précise que ce projet sera exécuté grâce à un don de la Banque mondiale de 75 millions de dollars américains sur une durée de 5 ans. Suivez les précisions de Jérôme Niyonzima. L'objectif de ce projet est de répondre à l'urgence liée aux inondations, d'accroître la résilience aux catastrophes et d'améliorer la gestion urbaine résiliente au climat à Bujumbura. Le projet sera exécuté sur un don de la Banque mondiale à hauteur de 75 millions de dollars américains sur 5 ans. Le projet sera structuré en trois composantes, à savoir, premièrement, réponse d'urgence aux inondations et infrastructures résilientes au climat pour réduire le risque d'inondation urbaine à Bujumbura. Deuxièmement, renforcement des capacités et des institutions pour la résilience urbaine à Bujumbura. Troisièmement, gestion du projet et préparation des investissements futurs. Après analyse, le projet a été adopté avec la recommandation de renforcer la transparence à chaque étape de la gestion des fonds alloués à ce projet. Ce conseil des ministres a aussi analysé et adopté le projet d'ordonnance ministérielle portant révision de celle de l'an 2000 sur réglementation des redevances de l'Office de l'huile de palme. L'objectif est de revoir à la hausse les redevances appliquées pour se conformer au prix de ce produit sur le marché. Suivez encore une fois Jérôme Niyonzima. Depuis 2000, le prix de l'huile de palme sur le marché n'a cessé de grimper, mais les redevances perçues n'ont jamais été revues, alors qu'elle devrait être évolutive en fonction du cours du marché. La principale motivation de la révision de l'ordonnance en vigueur est de revoir à la hausse les redevances appliquées pour se conformer à la réalité du moment en ce qui concerne le prix sur le marché et de promouvoir la production industrielle afin d'avoir l'huile de palme de qualité. Le projet d'ordonnance prévoit aussi des sanctions administratives contre l'acteur œuvrant dans la filière qui résiste au paiement des redevances ou celui qui implante une unité de transformation sans autorisation préalable de l'autorité compétente. À l'issue de l'analyse, le Conseil des ministres a recommandé de fixer des tarifs réalistes et les intégrer dans la loi budgétaire. Page santé, le Burundi est le premier pays d'Afrique francophone qui fait une bonne gestion des fonds donnés par les États-Unis pour la lutte contre le sida. Déclaration faite ce jeudi par le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis au Burundi au cours d'une interview accordée aux journalistes. L'indique que le Burundi a déjà atteint 95% des attentes mondiales dans la lutte contre le VIH-Sida. Suivez-le, il est traduit en français par Aaron Douayes. We are really proud of how the money that we have invested in Burundi has been used. Nous sommes fiers de l'utilisation des fonds alloués au Burundi par les États-Unis d'Amérique. Parlons en premier lieu du paquet que les USA ont investi dans le secteur de lutte contre le sida. Les résultats montrent que le Burundi est le premier des pays francophones qui a atteint à trois reprises une CE de 95%, ce qui est un beau pas dans la lutte contre le VIH. Ces résultats montrent que 95% des personnes vivant avec le VIH ne présentent plus des signes de cette maladie et plusieurs d'entre eux en saut au courant. Cela est un signe crédible qui montre que le VIH-Sida a sensiblement diminué au Burundi. Via ces résultats, les fonds alloués à ce secteur ont été bénéfiques. La preuve en est que la grande partie de la jeune génération ne présente pas les signes du VIH-Sida. Aujourd'hui, nous souhaitons atteindre le niveau maximal de lutte contre cette maladie. Et c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Ornella Mucho.